On va parler de tennis dernièrement. Eugénie Bouchard a fait parler beaucoup, beaucoup d'elle en posant dans le Sports Illustrated édition maillot de bain. Beaucoup de monde a été critiqué. Il y a des gens qui disaient qu'elle était là trop loin. Les hommes, on a beaucoup aimé ça. On ne se contera pas d'histoire. Quoi qu'il en soit, pour son image, est-ce que ça va lui nuire? Est-ce que ça peut lui rapporter? On en parle avec le spécialiste du marketing sportif. Qu'on parle de temps à autre, Jean Gosselin. Bon après-midi, M. Gosselin. Bon après-midi, bonjour. Monsieur Gosselin, est-ce que le dossier d'Eugénie Bouchard, je pense pas que ça lui nuise, parce que posé dans le Sports Illustrated, section maillot de bain, à quelque part, c'est très, très prestigieux, hein? Ben, pour les athlètes, c'est comme une consécration. Ils ont, Sports Illustrated a commencé il y a une quinzaine, vingtaine d'années à présenter des athlètes dans ce spécial maillot de bain-là qui est le plus important numéro de Sports Illustrated dans l'année. C'est d'ailleurs, parmi les premières, il y avait une autre joueuse de tennis qui était Steffi Graf, grande joueuse de tennis à l'époque. Et donc, depuis, quand un athlète était invité à poser pour le spécial maillot de bain, mais c'était comme une forme de consécration. C'était pas n'importe qui allait là, c'est toujours de grandes vedettes. Et ce qu'il y a de particulier, cependant, dans la présence de Eugénie Bouchard dans ce spécial-là, c'est que habituellement, ce sont des athlètes qui avaient déjà connu un bon succès sur la scène sportive, qui étaient des athlètes établis, qui étaient déjà des athlètes marquants. Dans le cas d'Eugénie Bouchard, elle a connu une excellente saison avec de belles performances dans de grands tournois. Malheureusement, ça s'est pas poursuivi. Mais comme c'est une personnalité qui était présente, entre autres, sur les réseaux sociaux, c'est une fille de son temps, c'est probablement même, dans le monde du tennis, la première athlète vraiment réseaux sociaux qui l'utilise à satiété. Ben, dans ce cas-ci, on a davantage une personnalité remarquée qu'une athlète marquante. Et si elle n'avait pas été aussi présente sur les réseaux sociaux, ça n'avait pas attiré autant l'attention. Je suis pas mal convaincu qu'elle n'avait pas les résultats sportifs pour être présent. Mais en même temps, c'est du donnant-donnant. Tout le monde y trouve son compte. Ça prouve sa valeur marketing à elle et ça donne à Sports Illustrated une participante dans son numéro spécial qui va faire rayonner ce numéro-là dans ses réseaux sociaux. Parce qu'elle a un grand tirant d'eau. Elle est très, très jolie et sa sœur Béatrice aussi est très jolie. Il y a beaucoup de followers également sur Instagram qui suivent Béatrice aussi. Ils sont belles puis ils savent qu'ils sont belles. Puis à quelque part, ils profitent pleinement de tout ça, là. Ben c'est évident, pour me passer, si vous me passez le cliché, elle a le physique de l'emploi. Quoique pour en ce qui a trait aux athlètes, on n'a pas nécessairement toujours choisi les athlètes en fonction de leur esthétique et de leur beauté. Je dis pas qu'ils prenaient nécessairement, comme le dit l'expression, des pichous, mais c'était pas nécessairement parce que les athlètes étaient belles. Il y a même eu des hommes à l'occasion, mais c'était pas d'abord pour leur beauté qui était choisie, mais parce que c'était des athlètes marquants, c'était des personnalités marquantes. Dans le cas de Eugénie Bouchard, ben comme je disais, elle a un très fort tirant d'eau au point de vue du grand public, et évidemment, elle a le physique de l'emploi. Elle aurait pu être dans les autres pages du magazine en compagnie des autres mannequins professionnels. OK. Est-ce que le niveau des commanditaires, faut vraiment qu'elle recommence à gagner, hein? Parce que tout à l'heure, là, c'est beau être jolie, c'est beau être vraiment sur les médias sociaux, mais à quelque part, est-ce que on l'a connu avant tout pour le tennis, et c'est un petit peu ça que je trouve déplorable. Moi, c'est pas contre ces photos que j'en ai, mais il me semble que j'aimerais mieux qu'elle soit qu'elle fasse parler d'elle pour le tennis, puis après ça pour ses photos. Ben, c'est sûr que c'est le modèle auquel on s'attend. C'est ce dont on s'attend. Et si j'étais, sans prétention, si j'étais son conseiller, ce que je lui dirais, c'est de peut-être mettre un peu plus souvent des photos d'elle reliées au tennis, soit à l'entraînement, soit en gymnase, soit en train de parler avec d'autres joueuses ou les gens de son entraîneur. Mais j'ajouterais un peu plus de tennis dans ces photos parce que ce qu'elle nous montre, c'est sa vie à elle, c'est sa vie en dehors du tennis, et c'est une partie intéressante. Mais effectivement, si on la connaît et si elle a commencé à être suivie, c'est à cause du tennis. Cela dit, les amateurs de tennis sont évidemment déçus de ses performances et trouvent qu'elle n'est pas nécessairement suffisamment concentrée. En même temps, je disais récemment dans une entrevue que, parce qu'elle répondait à cette question-là, qu'elle était à l'entraînement 6 heures par jour, 6 jours par semaine quand elle n'était pas en tournoi. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle fait les efforts. Mon commentaire à moi, c'est qu'elle ne nous le montre peut-être pas suffisamment. Ouais. Et après ça, ben la journée où effectivement elle va se remettre à gagner, ben on va oublier ces passages-là. Mais là-dessus, la victoire demeure le point de départ. Quand elle a connu son année merveilleuse et qu'on me posait la question, oui, c'était bon. Ce que je disais, c'est que son défi, c'est de maintenir le rythme pour confirmer sa place comme étant une grande joueuse. Et ça, ben, je laisse le soin au tennis, aux spécialistes du tennis de nous dire si elle a ce qu'il faut pour être une grande joueuse de tennis, du moins dans le temps. Et il reste encore ça à confirmer. Cela dit, si ça fonctionne plus pour elle, le tennis, dans les années à venir, elle pourra probablement rester présente et gagner sa vie en étant sur les réseaux sociaux, et elle va rentrer à ce moment-là dans la même catégorie que les Kardashian, que les Paris Hilton et autres personnes. Anna Kournikova, et d'ailleurs, les parallèles vont bon train. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ah. Est-ce que Anna Kournikova puis beaucoup de monde, et moi inclus, disent que ça commence à ressembler pas mal à Anna Kournikova. Évidemment, on est obligé de faire le parallèle. Kournikova, qui était une joueuse de tennis correcte, elle était quelque part autour des 40, 50e dans ces eaux-là. Elle a eu un passage dans les top 10, ce qui en fait pas une mauvaise joueuse de tennis, mais évidemment, sa visibilité, et surtout à l'époque, là, on est quand même avant l'ère des réseaux sociaux, elle attirait énormément les commanditaires, elle attirait les grandes marques, et elle faisait beaucoup plus parler d'elle pour ses activités hors court que pour ses activités de tennis. Donc, sa reconnaissance, c'est probablement la première qui a eu une reconnaissance qui était supérieure en raison de sa... une reconnaissance qui lui venait davantage de sa personnalité que de son excellence sportive. Et c'est clair que dans ce cas-ci, Eugénie Bouchard, c'est d'abord sa personnalité et l'individu qui attire notre attention que l'athlète et ses résultats sur le terrain. Ben, Jean-Gosselin, très intéressant. On va se reparler un autre tantôt. Un grand plaisir. Monsieur Jean-Gosselin, spécialiste du marketing sportif.